Mais qu'est-ce que vous faites? Je m'en vais. Je m'en vais. Où? Loin. Loin. Vous allez m'emmener avec vous? Non. Je vous emmène nulle part. Je comprends pas. Notre voyage à Florence, notre chanson et tout ce qu'on devait faire ensemble. On ne devait rien faire ensemble. On n'a jamais été ensemble, on ne sera jamais ensemble. Cette histoire, vous l'avez rêvée, Angélique. Maintenant, c'est fini.